Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, grandeur et déclin de l'Empire ottoman. N'oubliez pas, vous les jeunes, que notre pays faisait 1 800 000 km². Et que nous avons perdu tellement de territoire que nous ne faisons plus que 800 000 km². Qu'étions-nous? Que sommes-nous devenus? Le président turc Recep Erdogan, lors d'un discours qu'il prononce en décembre 2017, se rappelle de la grandeur perdue de l'Empire ottoman, fait partie de la politique nationaliste qu'a adoptée le président Erdogan, une politique sur laquelle il a en partie bâti sa popularité. En évoquant cet âge d'or perdu, le président Erdogan courtise tous ces nostalgiques qui rêvent du retour de la grande Turquie. C'est dire l'importance qu'a eue l'Empire ottoman dans le passé et la force que son souvenir continue d'exercer aujourd'hui encore en Turquie. À leur apogée au XVIIe siècle, les sultans régnaient sur un territoire jusqu'à 6 fois plus grand que l'actuelle Turquie. L'Empire a été démantelé en 1923. Alors, pour glorifier ce prestigieux passé, l'État turc mise sur le petit écran avec cette série produite par la télé nationale. Le héros, le très autoritaire sultan Abdülhamit II, 33 ans de règne entre le 19e et le 20e siècle. Une nostalgie très politique, pas une cérémonie officielle sans l'exaltation des victoires des grands sultans. Il s'agit d'entretenir la fibre nationaliste du peuple turc, d'autant plus que la Turquie est engagée dans la guerre en Syrie. D'ailleurs, pour encourager les soldats, les autorités ont envoyé les fanfares traditionnelles ottomanes dans les campements. Chez les électeurs du président Erdogan, le message fait mouche. Ils rêvent avec lui d'une république turque toute puissante. Comme nous avons pu le constater à 2 heures d'Istanbul, dans ce village où les maisons colorées et les ruelles pavées sont restées les mêmes qu'à l'époque ottomane. L'Empire ottoman est en train de renaître. Notre pays s'améliore, notre économie se développe. Je suis sûr que nous allons devenir un modèle, un exemple pour l'Europe, comme à l'époque de l'Empire. Sur l'ère des janissaires, les janissaires, c'étaient ces soldats d'élite de l'armée ottomane, une chanson interprétée par l'ensemble de l'armée de la République turque en 1990. Sur cette ère, donc, vous entendiez un reportage de Stéphanie Pérez diffusé à la télé française en avril 2018 pour nous faire revivre la grandeur et le déclin de l'Empire ottoman. Je reçois Raphaël Welland, qui est doctorant en histoire à l'Université de Montréal et à l'Université Kiel en Allemagne. Raphaël Welland, bonjour. Bonjour. Parlons de ce que ça représentait. On a entendu le président Erdogan se souvenir avec nostalgie de ce grand empire ottoman à son apogée. Quelle importance il avait? Qu'est-ce qu'il représentait, cet empire ottoman? Cet empire ottoman, donc, à son apogée, le 16e siècle, le 17e siècle, c'est un empire énorme d'abord. Un empire qui va de la Hongrie jusqu'à l'Égypte, de l'Irak jusqu'au Maroc, on étend des tentacules dans cette direction-là, donc d'une mer à l'autre, d'un océan à l'autre, vraiment un état énorme, très ouais. peuplé, beaucoup mieux organisé que les états européens, un état dans lequel on va avoir certains hôpitaux, dans lequel on va avoir une certaine tolérance religieuse, politique, beaucoup plus riche, beaucoup mieux organisé, beaucoup plus peuplé, très étendu. Donc effectivement, un État qui, par rapport à une petite Autriche, une petite France, une petite Espagne, apparaît comme d'une domination totale. Ouais. Et quand on regarde la grande histoire, Raphaël, comment il se compare, cet empire ottoman? Si on regarde le palmarès des plus grands et des plus importants empires, je pense à l'Égypte, à Athènes, Rome, il se place où? Alors, en fait, il vient parmi les premiers dans l'histoire du monde musulman. C'est l'un des grands empires musulmans de l'histoire, de toute évidence, avec l'empire abbasside qui fonde Bagdad, avec l'empire des premiers temps. Et avec quelqu'un qui a un référent culturel musulman, cet empire ottoman est de toute évidence l'un des éléments essentiels. Ensuite, il fait à peu près la moitié de la taille de l'empire romain, la taille d'un empire byzantin. Il est infiniment plus grand que les petites cités grecques ou que ouais. l'Égypte ou que quoi que ce soit de ce genre-là. C'est certainement un des grands empires méditerranéens et des grands empires européens de l'histoire. Ouais. Je reviens à ce qu'on entendait, à cet extrait de discours du président Erdogan en 2017. Il s'en sert politiquement de cette grande Turquie, de ce rêve de retrouver cette grandeur perdue. Mais ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'au fond, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le souvenir qu'on avait gardé de l'Empire ottoman était plutôt négatif. L'Empire ottoman finit par s'effondrer, disons-le, comme tous les grands empires. Et donc, ceux qui vont lui succéder, et en Turquie, ce sera Mustafa Kemal Atatürk et la République de Turquie, vont passer presque un siècle à se construire en opposition à cet empire ottoman. Or, aujourd'hui, cette Turquie kémaliste, elle est elle-même plus ou moins effondrée. Et celui qui vient lui succéder, c'est Erdogan, qui lui se construit en opposition avec les kémalistes et en ramenant l'Empire ottoman. Ceci étant dit, l'Empire ottoman dont il rêve, c'est un empire ottoman qu'il reconstruit, qu'il réinvente. Ce n'est pas exactement l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, qu'est l'Empire ottoman ? L'Empire ottoman des tout débuts, 14e, 15e siècle, un empire surtout sur la Turquie, l'empire du 16e siècle, de la Hongrie à l'Égypte, l'empire de la fin, qui s'étend aussi au territoire arabe, mais aussi au territoire des Balkans. Ouais. C'est un peu difficile de déterminer ce qu'on veut. Et en réalité, Erdogan joue aussi sur l'idée de la grandeur, mais une grandeur qu'on ne définit pas. Ouais. Alors revenons sur ce premier empire que vous avez évoqué. Dans quel contexte ? Quand et dans quel contexte il naît, cet empire ? L'empire ottoman naît officiellement en 1299, mais on va dire ensemble 13e, 14e siècle. Ça se fait assez lentement. Les Ottomans sont des Turcs. Les Turcs ne sont pas originaires, autochtones de ce qui est la Turquie aujourd'hui. Les Turcs sont au départ des habitants nomades de l'Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan actuel, qui vont être chassés en plusieurs étapes de leur territoire originel par différentes invasions, par différentes raisons. Entre le 11e et le 14e siècle, des tribus turques s'aventurent au Moyen-Orient, d'abord dans le nord de l'Iran, puis dans le Caucase et finalement en Turquie actuelle. Ouais. Les Ottomans font partie de ces gens qui sont chassés. Ils sont chassés par les invasions mongoles, dans leur cas, au 13e siècle. Et en 1299, donc, ils arrivent dans la région de ce qui est aujourd'hui Bursa, dans le nord-ouest de l'Anatolie ou de la Turquie asiatique. Là, cette petite tribu des Ottomans, qui prennent leur nom de celui qui est leur chef en 1299, un homme qui s'appelle Osman. Ceux qui le suivent sont les Osmanli, ceux qui suivent Osman. Et en français, ça donne Ottoman. Ouais. Alors, ces Ottomans, donc, sont une petite tribu, mais très unie, et surtout qui a l'apparent défaut, mais en réalité la qualité, la chance, d'être tout près d'un empire assez puissant encore, qu'on appelle l'empire byzantin, riche, chrétien, avec Constantinople, qui est tout près de Bursa. Un empire qui va se déchirer dans les premières années de cet empire ottoman qui naît et de ses dissensions à l'intérieur de l'empire byzantin et des riches provinces qu'il laisse aller, l'empire ottoman va faire ses premières proies et petit à petit, au XIVe siècle, va s'agrandir. D'abord en Turquie actuelle, et puis à partir de 1354, dans les Balkans, en Europe. Et là, puis, les conquêtes s'accélèrent. Avec cette date incontournable et cette prise très, très importante dans l'histoire de l'Empire ottoman, 1453, la prise de Constantinople. Oui, absolument. Il y a déjà dans les décennies précédentes, il y a toutes sortes de conquêtes. On s'en parle de la Serbie, 1389. On va s'emparer encore d'autres régions par la suite. Mais surtout, donc, en 1453, on fait la jonction entre les territoires asiatiques et les territoires européens. On s'empare de la ville de Constantinople dans un siège resté fameux. Et le 29 avril 1453, les Turcs ottomans s'emparent donc de cette ville. Une ville dont ils vont le faire leur capitale jusqu'en 1918, jusqu'en 1923 et la fin de l'Empire. Et ça correspond à l'apogée dont on parlait au tout début. On y revient. Comment ça va, cet apogée? Il correspond à quoi très concrètement, Raphaël Wallan? Comment fonctionne-t-il cet empire durant cet âge d'or de l'Empire ottoman? Donc, l'apogée de l'Empire ottoman, il est très lié à une personne, à un règne, qui est celui de Soliman, ou Soliman le Magnifique, qui règne au XVIe siècle. À ce moment-là, l'Empire est plus riche, mieux organisé, il possède une meilleure agriculture, il est au carrefour des routes commerciales, notamment les routes de la soie, qui continuent à amener toutes sortes de marchandises depuis l'Extrême-Orient. On a de l'argent pour pratiquer une politique de mécénat et de construction d'infrastructures, avec notamment la transformation de grandes églises en mosquées. La plus célèbre, c'est Sainte-Sophie, qui va devenir la grande mosquée d'Hagia Sophia. On va construire le grand palais de Topkapi à Istanbul aujourd'hui, et des ponts à travers les différents territoires. Des ponts comme le pont de Mostar ou le pont de Visegrad, le célèbre pont sur la Drina d'Ivo Hendrich plusieurs siècles plus tard. Ouais. Donc, empire, évidemment, qui laisse ses monuments importants, c'est le signe d'un empire en santé, qui rayonne, c'est un petit centre du monde à ce moment-là, l'Empire ottoman. Comment expliquer le succès de cet empire-là? Il faut faire intervenir deux types de facteurs. D'abord, des facteurs structurels, les Ottomans font des choses bien, et ensuite des facteurs contingents. Il y a un côté de chance aussi dans l'expansion de cet empire ottoman. Les facteurs structurels, c'est avant tout une tolérance religieuse et politique. Les Ottomans vont permettre aux élites qui sont déjà en place lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils conquièrent un territoire, vont souvent leur permettre de rester en place et vont laisser aux gens leur religion en autant qu'ils paient leurs impôts. Ouais. Il va y avoir une citation, notamment les Byzantins par exemple vont dire qu'il vaut mieux le turban du sultan, donc se soumettre politiquement au sultan mais garder sa religion, le christianisme orthodoxe, que d'accepter le catholicisme et d'espérer une croisade qui pourrait donc venir repousser les Turcs politiquement, mais on se soumettrait religieusement. Donc mieux vaut le turban du sultan que la crosse de l'évêque. Ouais. Donc, la tolérance religieuse, et les Ottomans vont organiser un système, ce qu'on appelle le système du millet, dans lequel la population est divisée selon sa religion, et les chefs religieux de chacune des communautés sont chargés d'administrer la communauté, verser les impôts, exercer la justice, etc. Donc en général, on laisse les choses entre les mains des élites qui étaient déjà là, et des élites locales, un empire très décentralisé, ouais. Un empire qui laisse peu sa marque sur sa population en général. L'État central est représenté essentiellement par une armée très moderne, très professionnelle aussi, l'armée des janissaires, on l'a dit rapidement tout à l'heure. Mm-hmm. Les janissaires, ça veut dire Geniseri, la nouvelle armée qui est créée pour justement être une armée professionnelle. Et c'est une armée notamment qui va être la première à adopter les armes à feu, les canons, les mousquets, etc. Avant, alors une époque où les chrétiens se battent encore sur leurs chevaux comme des chevaliers, on va les détruire avec des canons. Et évidemment, avec ça, eh bien, on pousse jusqu'à la Hongrie, on pousse jusqu'à l'Égypte, etc. Donc un cocktail qui fait la grandeur de cet empire. Pourquoi Soliman le Magnifique? D'abord parce qu'il fut un excellent législateur. C'est lui qui a créé un code de la justice longtemps célèbre, maintenant désuète. Il ordonna en plusieurs occasions la libération des otages. 3 jours après la victoire, les soldats devaient payer comptant tout ce qu'ils achetaient en pays conquis. Il s'occupa personnellement de l'affranchissement d'un nombre considérable d'esclaves. Pour chacune de ses décisions économiques ou sociales, il savait accepter l'avis des savants dont il s'était entouré. Pourquoi le magnifique? Parce qu'il aimait vivre dans un climat de magnificence rarement égalé. Les artistes en ont largement profité. Sa réputation était telle qu'on le comblait de cadeaux d'or et d'argent d'une valeur inestimable. Existence soyeuse et dissolvante qu'il n'y aura jamais fait perdre de vue ses responsabilités de chef d'État. Extrait de l'émission « Les mensonges d'Ulysse » diffusée en 1973. C'est la voix d'Albert Miller que vous entendiez dans cet extrait. On ne peut pas passer, évidemment, à Raphaël Wallande, quand on fait une émission sur l'Empire ottoman, à côté de cette figure, la figure de Soliman le Magnifique. Pourquoi il est, qui est vraiment le plus célèbre des souverains ottomans, pourquoi est-il si célèbre? Quelle importance a-t-il dans l'histoire de cet empire? Donc, Soliman le Magnifique est un grand chef de guerre, un personnage donc qui va étendre les frontières de l'Empire aussi loin qu'il le peut. C'est aussi un personnage qui va savoir dépenser son argent d'une manière qui va pouvoir compter dans les siècles suivants. Il va organiser donc une culture de mécénat, organiser des concours de poésie, orner les grands bâtiments. Il va s'assurer aussi d'accueillir des réfugiés qui viennent de toutes sortes de territoires. Les Juifs chassés d'Espagne vont être recueillis par Soliman le Magnifique. Tout cela va contribuer donc au rayonnement culturel et au rayonnement économique de son empire. Et quelques siècles plus tard, on regardera ce moment-là, le XVIe siècle, le long règne de 50 ans de Soliman le Magnifique, comme le grand moment de l'empire. Mais dès le XVIIe siècle, commence un long déclin pour cet empire ottoman. Qu'est-ce qui explique le déclin de ce si puissant empire, Raphaël Wallande? Alors, le déclin, il commence au XVIIe, mais vraiment, il va s'accélérer à partir du XIXe siècle. Il y a encore des retours de puissance au XVIIe, au XVIIIe siècle. Pendant toute cette période-là, on va commencer par une série de défaites militaires. On perd la Hongrie en 1699, la Roumanie en 1770, l'Égypte en 1798. Alors, il y a plusieurs causes à ce déclin. D'abord, il y a de nouveaux adversaires. En Autriche, les Habsbourg sont sur le trône, ils avaient été très occupés par les Français. À partir du XVIIe siècle, ils se tournent contre les Turcs. Ensuite, dans la grande plaine ukrainienne, arrivent de Moscou les Russes qui commencent à faire peser une menace qui va devenir avec le temps insupportable pour les Ottomans. Il y a ensuite toute une série de problèmes internes, crise de succession, crise de séparatisme des régions qui veulent se séparer, etc. Il y a d'autre part le fait des problèmes encore une fois structurels qui viennent du fait que le commerce mondial de plus en plus se tourne vers l'Atlantique et délaisse la Méditerranée. Les Ottomans se retrouvent donc, alors qu'ils avaient profité d'un contexte favorable, ils sont désormais dans un contexte économique mondial un petit peu défavorable pour eux. Dernier élément... Plus sur la route du commerce comme ils y étaient par le passé. Effectivement. Ouais. La route de la soie cesse d'exister. Ouais. Dorénavant, ce sera le commerce triangulaire avec l'Amérique du Nord. Les Ottomans sont à l'extérieur de ce type de commerce. Dernier élément, des retards technologiques qui vont s'accumuler. Des retards technologiques qu'on a souvent tendance à mettre sur le dos de l'islam ou des Turcs qui seraient barbares, mais qui en réalité sont imputables au fait que les Turcs, les Ottomans, étaient tellement avancés qu'ils en se sont, d'une certaine manière, reposés sur leur laurier. Mmh. Je veux donner un exemple, qui est celui de l'imprimerie. Il va falloir presque 3 siècles pour qu'à Constantinople, on ouvre des imprimeries de la même qualité que celles qui existaient en Allemagne au XVe siècle, par exemple. On dit, voilà, retard technologique. Or, ce retard technologique, il vient du fait que les Ottomans, au moment où en Europe, on utilise la machine de Gutenberg, utilisent ce qu'on appelle la xylographie, c'est-à-dire une imprimerie avec des lettres en bois qui fonctionne bien, mais pas aussi bien que la machine de Gutenberg. Alors, ça fonctionne, bah, on ne va pas aller chercher les inventions de gens qu'on considère comme barbares. Et à terme, bah, ce sont les Ottomans qui vont finir par devenir barbares. Donc, début du déclin au XVIIe siècle, arrive le XIXe siècle, qui est une espèce de siècle noir pour l'Empire ottoman. Comment décrire cette descente aux enfers à laquelle on assiste durant ce XIXe siècle? Au XIXe siècle, les choses deviennent beaucoup plus graves, notamment parce que à ces difficultés internes vont s'ajouter un élément qui vient notamment de la Révolution française, c'est-à-dire le début du nationalisme. L'idée qu'un peuple doit se diriger par lui-même et ne pas faire partie d'un empire multiethnique. Or, l'empire ottoman est un empire dans lequel coexistent des religions et des peuples très différents. Là, tout à coup, les Serbes veulent être dirigés par des Serbes, les Grecs par des Grecs, etc., etc. Et effectivement, les morceaux de l'empire vont commencer à se détacher au fur et à mesure. L'Empire doit continuer à lutter contre les puissances extérieures, mais en plus, il doit lutter contre lui-même et rapidement, ça commence à s'effondrer comme un château de cartes. Ouais. La Grande Guerre de 14-18 va être l'événement qui portera en quelque sorte le coup fatal à cet empire ottoman. On en parle dans un instant, Raphaël Wallan, mais je vous propose d'abord d'écouter l'historien Samir Saul à l'émission Aujourd'hui dimanche, en janvier 1991. Durant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est un allié de l'Allemagne. Alors, l'Angleterre, pour affaiblir l'Empire ottoman, s'entend avec certains dirigeants arabes, en particulier le prince, le shérif Hussein de la Mecque, pour soulever le monde arabe, les peuples arabes, contre l'Empire ottoman. En échange de quoi, on promettait l'indépendance et un royaume arabe uni à la fin de la guerre. Cela en 1915, ce sont des ententes de 1915. L'année suivante, l'Angleterre se retourne, s'entend avec la France pour partager le monde arabe. Cela en 1916. Et en 1917, elle accorde au mouvement sioniste mondial la Palestine. Alors voilà, il y a une contradiction très nette entre les accords de 1915 et ceux de 1916 et 1917. Alors quelle importance aura cette fameuse guerre de 14-18, Raphaël Wallan, dans la chute de l'Empire ottoman? L'Empire ottoman vraiment se lance dans la guerre d'une manière un petit peu désespérée. La guerre arrive et il faut bien choisir un camp. On hésite entre l'Angleterre, la France et de l'autre côté l'Allemagne. Et on finit par choisir l'Allemagne parce que du côté de la France et de l'Angleterre, il y a la Russie et on a peur d'une victoire russe. Donc l'Empire ottoman se jette dans la guerre, mais c'est une guerre, comme chacun le sait, terrible, qui va peser énormément sur les États. Il y a des difficultés de ravitaillement, il y a des difficultés à alimenter en munitions les soldats, etc. Et avec le temps, c'est presque énormes de la guerre vont finir par avoir raison de l'Empire. Ouais. Ceci étant dit, l'Empire ottoman ne fait pas une mauvaise guerre, toute proportion gardée. Ils ne réussissent pas à envahir la Russie en 1914, mais ils réussissent à repousser les Russes eux-mêmes en 1915. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'il va y avoir le terrible massacre et génocide des Arméniens. Ils vont réussir, les Ottomans, à repousser l'invasion maritime contre Constantinople au printemps 1915, célèbre bataille des Dardanelles ordonnée par Churchill. On va aussi réussir à défendre assez habilement la Palestine et l'Irak, jusqu'à ce qu'en 1918, l'accumulation des pertes, l'accumulation des privations, les renforts venus d'Occident aussi, vont finir par remporter l'Empire, mais qui va réussir quand même à s'être défendu pendant 4 ans. Ouais. Un petit mot sur ce génocide que vous évoquez, le génocide arménien. Quel poids, évidemment, ça se produit 1915-1916, pendant cette première guerre mondiale, avec cet empire qui est en train, qui se défend bien, mais qui est du côté des perdants, qui est en train de voir que c'est la mort annoncée qu'on constate déjà. Est-ce qu'il y a un lien? Dans quelle mesure le contexte de la première guerre mondiale, du déclin de l'empire, contribue ou pas à ce génocide? Il y a une idée qui est très forte dans certaines élites ottomanes, même avant la Première Guerre, mais qui se précise pendant la Première Guerre, c'est l'idée que la faiblesse de l'Empire, elle provient d'une trop grande division. On a laissé trop de poids et trop de force aux différentes entités, aux différentes religions, aux différents peuples, et donc désormais on voudrait avoir un peuple à peu près uni. Les Arméniens donc font partie de ces peuples sur le dos desquels on met la cause du déclin, et lorsque il semble qu'il y en ait certains qui fassent cause commune avec les Russes lors de l'invasion de 1915. Vous en parlez beaucoup des Russes, mais c'est l'adversaire, c'est l'ennemi juré. Oui, absolument, tout à fait. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on va mettre tous les Arméniens dans un sac et on va effectivement exécuter les élites, forcer les gens à sortir de leur village et les faire marcher sur des centaines de kilomètres sans nourriture, sans eau. Donc un contexte... Massacre général et génocide donc de probablement plus d'un million de personnes. Ouais. C'est la signature du traité de Sèvres en 1920 qui va finalement signer le vrai arrêt de mort de l'Empire, qui va annoncer, au fond, l'arrivée prochaine du père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal. Racontez-nous un peu ce dernier épisode. Donc, l'Empire est effectivement démembré par le traité de Sèvres en 1920. Différents morceaux vont à différentes personnes. Le sultan réussit à s'accrocher du pouvoir en acceptant de signer ce traité. On lui donne une retraite dorée à Constantinople. Mais une partie de l'ancienne armée impériale, qui est menée par Mustafa Kemal, le futur Atatürk, refuse l'application, empêche l'application par la résistance armée. Un traité donc qui prévoyait entre autres la division de la Turquie elle-même, pas seulement l'Empire, mais même la Turquie devait être démembrée. Et finalement, les victoires de Mustafa Kemal vont mener à ce que le sultan soit retiré de sa niche dorée. Et en 1923, le sultan est lui-même donc précipité au bas de son trône. C'est la fin de l'Empire ottoman. Mustafa Kemal fait partie de ces mouvements nationalistes dont vous parliez et qui sont au cœur du déclin de cet empire. Oui, tout à fait. On a un nationalisme donc, qui avait été au 19e siècle celui des Grecs ou celui des Serbes, plus tard peut-être celui des Arméniens qu'on avait écrasé avec sans pitié. Mais il y a aussi un nationalisme turc qui se développe avec l'idée que nous devons dominer ces autres peuples. Et c'est d'une certaine manière aussi ce nationalisme-là dont Erdogan aujourd'hui est l'héritier. Raphaël Wallan, d'habitude l'émission, doctorant en histoire à l'Université de Montréal et à l'Université de Kiel en Allemagne. Merci beaucoup. Merci à vous, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.